Section 34. Troisième partie, livre 11e. Suite. Près de la haie, elle visita le château du prince d'Orange. Ce prince, lui ayant fait promettre d'aller voir cette demeure, lui écrivit plusieurs lettres dans lesquelles il parle de ses revers et de l'espoir de les vaincre. Guillaume Ier est en effet devenu monarque. En ce temps-là, on intriguait pour être roi, comme aujourd'hui pour être député. Et ses candidats à la souveraineté se pressaient aux pieds de Madame Récamier comme si elle disposait des couronnes. Ce billet de Bernadotte qui règne aujourd'hui sur la Suède termina le voyage de Madame Récamier en Angleterre. Les journaux anglais, en calmant mes inquiétudes sur votre santé, m'ont appris les dangers auxquels vous avez été exposé. J'ai blâmé d'abord le peuple de Londres dans son grand empressement. Mais je vous l'avoue, il a été bientôt excusé, car je suis partie intéressée lorsqu'il faut justifier les personnes qui se rendent indiscrètes pour admirer les charmes de votre céleste figure. Au milieu de l'éclat qui vous environne et que vous méritez à tant de titres, daignez vous souvenir quelquefois que l'être qui vous est le plus dévoué dans la nature est Bernadotte. Madame de Staël, menacée de l'exil, tenta de s'établir à Maffliers, campagne à 8 lieues de Paris. Elle accepta la proposition que lui fit Madame Récamier, revenue d'Angleterre, de passer quelques jours à Saint-Brice avec elle. Ensuite, elle retourna dans son premier asile. Elle rend compte de ce qui lui arriva alors dans les 10 années d'exil. « J'étais à table, dit-elle, avec 3 de mes amis, dans une salle où l'on voyait le grand chemin et la porte d'entrée. C'était à la fin de septembre, à 4 heures. Note, septembre 1803. Fin de note. Un homme, en habit gris, à cheval, s'arrête et sonne. Je fus certaine de mon sort. Il me fit demander, je le reçus dans le jardin. En avançant vers lui, le parfum des fleurs et la beauté du soleil me frappèrent. Les sensations qui nous viennent par les combinaisons de la société sont si différentes de celles de la nature. Cet homme me dit qu'il était le commandant de la gendarmerie de Versailles. Il me montra une lettre signée de Bonaparte, qui portait l'ordre de m'éloigner à 40 lieues de Paris et enjoignait de me faire partir dans les 24 heures, en me traitant cependant avec tous les égards dus à une femme d'un inconnu. Je répondis à l'officier de gendarmerie que partir dans les 24 heures convenait à des conscrits, mais non pas à une femme et à des enfants. En conséquence, je lui proposai de m'accompagner à Paris, où j'avais besoin de 3 jours pour faire les arrangements nécessaires à mon voyage. Je montai donc dans ma voiture avec mes enfants et cet officier qu'on avait choisi comme le plus littéraire des gendarmes. En effet, il me fit des compliments sur mes écrits. « Vous voyez, lui dis-je, monsieur, où cela mène d'être femme d'esprit. Déconseillez-le, je vous prie, aux personnes de votre famille, si vous en avez l'occasion. » J'essayais de me monter par la fierté, mais je sentais la griffe dans mon cœur. Je m'arrêtai quelques instants chez Madame Récamier. Je trouvai le général Junot, qui, par dévouement pour elle, promit d'aller le lendemain parler au premier consul. Il le fit, en effet, avec la plus grande chaleur. La veille du jour qui m'était accordé, Joseph Bonaparte fit encore une tentative. Je fus obligé d'attendre la réponse dans une auberge à 2 lieues de Paris, n'osant pas rentrer chez moi dans la ville. Un jour se passa sans que cette réponse me parvînt. Ne voulant pas attirer l'attention sur moi en restant plus longtemps dans l'auberge où j'étais, je fis le tour des murs de Paris pour en aller chercher une autre, de même à 2 lieues de Paris, mais sur une route différente. Cette vie errante, à 4 pas de mes amis et de ma demeure, me causait une douleur que je ne puis me rappeler sans frissonner. Madame de Staël, au lieu de retourner à Copé, partit pour son premier voyage d'Allemagne. À cette époque, elle m'écrivit sur la mort de Madame de Beaumont la lettre que j'ai citée dans mon premier voyage de Rome. Madame Récamier réunissait chez elle à Paris ce qu'il y avait de plus distingué dans les partis opprimés et dans les opinions qui n'avaient pas tous aidé à la victoire. On y voyait les illustrations de l'ancienne monarchie et du nouvel empire. Les Montmorency, les Sabrans, les Lamoignon, les généraux Masséna, Moreau et Bernadotte, celui-là destiné à l'exil, celui-ci au trône. Les étrangers illustres s'y rendaient aussi, le prince d'Orange, le prince de Bavière, le frère de la reine de Prusse, l'environnaient, comme à Londres, le prince de Galles était fier de porter son châle. L'attrait était si irrésistible qu'Eugène de Beauharnais et les ministres même de l'empereur allaient à ces réunions. Bonaparte ne pouvait souffrir le succès, même celui d'une femme. Il disait « Depuis quand le conseil se tient-il chez Madame Récamier ?» Je reviens maintenant au récit de Benjamin Constant. Depuis longtemps, Bonaparte, qui s'était emparé du gouvernement, marchait ouvertement à la tyrannie. Les partis les plus opposés s'aigrissaient contre lui, et tandis que la masse des citoyens se laissait énerver encore par le repos qu'on lui promettait, les républicains et les royalistes désiraient un renversement. M. de Montmorency appartenait à ces derniers par sa naissance, ses rapports et ses opinions. Madame Récamier ne tenait à la politique que par son intérêt généreux pour les vaincus de tous les partis. L'indépendance de son caractère l'éloignait de la cour de Napoléon dont elle avait refusé de faire partie. M. de Montmorency imagina de lui confier ses espérances, lui peignit le rétablissement des Bourbons sous des couleurs propres à exciter son enthousiasme et la chargea de rapprocher deux hommes importants alors en France, Bernadotte et Moreau, pour voir s'ils pouvaient se réunir contre Bonaparte. Elle connaissait beaucoup Bernadotte, qui depuis est devenu prince royal de Suède. Quelque chose de chevaleresque dans la figure, de noble dans les manières, de très fin dans l'esprit, de déclamatoire dans la conversation, en font un homme remarquable. Courageux dans les combats, hardi dans le propos, mais timide dans les actions qui ne sont pas militaires, irrésolu dans tous ses projets, une chose qui le rend très séduisant à la première vue, mais qui en même temps met un obstacle à toute combinaison de plans avec lui, c'est une habitude de haranguer, reste de son éducation révolutionnaire qui ne le quitte pas. Il a parfois des mouvements d'une véritable éloquence, il le sait, il aime ce genre de succès, et quand il est entré dans le développement de quelque idée générale, tenant à ce qu'il a entendu dans les clubs ou à la tribune, il perd de vue tout ce qui l'occupe et n'est plus qu'un orateur passionné. Tel il a paru en France dans les premières années du règne de Bonaparte, qu'il a toujours haï et auquel il a toujours été suspect. Et tel il s'est encore montré dans ces derniers temps au milieu du bouleversement de l'Europe, dont on lui doit toutefois l'affranchissement, parce qu'il a rassuré les étrangers en leur montrant un Français prêt à marcher contre le tyran de la France et sachant ne dire que ce qui pouvait influer sur sa nation. Tout ce qui offre à une femme le moyen d'exercer sa puissance lui est toujours agréable. Il y avait d'ailleurs dans l'idée de soulever contre le despotisme de Bonaparte des hommes importants par leurs dignités et leurs gloires quelque chose de généreux et de noble qui devait tenter Madame Récamier. Elle se prêta donc au désir de M. de Montmorency. Elle réunit souvent Bernadotte et Moreau chez elle. Moreau hésitait, Bernadotte déclamait. Madame Récamier prenait les discours indécis de Moreau pour un commencement de résolution et les harangues de Bernadotte comme un signal de renversement de la tyrannie. Les deux généraux, de leur côté, étaient enchantés de voir leur mécontentement caressé par tant de beauté, d'esprit et de grâce. Il y avait en effet quelque chose de romanesque et de poétique dans cette femme si jeune, si séduisante, leur parlant de la liberté de leur patrie. Bernadotte répétait sans cesse à Madame Récamier qu'elle était faite pour électriser le monde et pour créer des séides. En remarquant la finesse de cette peinture de Benjamin Constant, il faut dire que Madame Récamier ne serait jamais entrée dans ses intérêts politiques sans l'irritation qu'elle ressentait de l'exil de Madame de Staël. Le futur roi de Suède avait la liste des généraux qui tenaient encore au parti de l'indépendance. Mais le nom de Moreau n'y était pas. C'était le seul qu'on pût opposer à celui de Napoléon. Seulement Bernadotte ignorait quel était ce Bonaparte dont il attaquait la puissance. Madame Moreau donna un bal. Toute l'Europe s'y trouva, excepté la France. Elle n'y était représentée que par l'opposition républicaine. Pendant cette fête, le général Bernadotte conduisit Madame Récamier dans un petit salon où le bruit de la musique seul les suivit et leur rappelait où ils étaient. Moreau passa dans ce salon. Bernadotte lui dit, après de longues explications, « Avec un nom populaire, vous êtes le seul parmi nous qui puisse se présenter appuyé de tout un peuple. Voyez ce que vous pouvez, ce que nous pouvons, guider par vous. » Moreau répéta ce qu'il avait dit souvent, qu'il sentait le danger dont la liberté était menacée, qu'il fallait surveiller Bonaparte, mais qu'il craignait la guerre civile. Cette conversation se prolongeait et s'animait. Bernadotte s'emporta et dit au général Moreau « Vous n'osez pas prendre la cause de la liberté. Eh bien, Bonaparte se jouera de la liberté et de vous. Elle périra malgré nos efforts, et vous, vous serez enveloppé dans sa ruine sans avoir combattu. » Parole prophétique. La mère de Madame Récamier était liée avec Madame Hulot, mère de Madame Moreau, et Madame Récamier avait contracté avec cette dernière une de ces liaisons d'enfance qu'on est heureux de continuer dans le monde. Pendant le procès du général Moreau, Madame Récamier passait sa vie chez Madame Moreau. Celle-ci dit à son amie que son mari se plaignait de ne l'avoir pas encore vue parmi le public qui remplissait la salle et le tribunal. Madame Récamier s'arrangea pour assister le lendemain de cette conversation à la séance. Un des juges, M. Brillat Savarin, se chargea de la faire entrer par une porte particulière qui s'ouvrait sur l'amphithéâtre. En entrant, elle releva son voile, parcourut d'un coup d'œil les rangs des accusés afin d'y trouver Moreau. Il la reconnut, se leva et la salua. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle se hâta de descendre les degrés de l'amphithéâtre pour arriver à la place qui lui était destinée. Les accusés étaient au nombre de 47. Ils remplissaient les gradins placés en face des juges du tribunal. Chaque accusé était placé entre deux gendarmes. Ces soldats montraient au général Moreau de la déférence et du respect. On remarquait messieurs de Polignac et de Rivière, mais surtout Georges Cadoudal. Pichegru, dont le nom restera lié à celui de Moreau, manquait pourtant à côté de lui, ou plutôt on y croyait voir son ombre, car on savait qu'il manquait aussi dans la prison. Il n'était plus question de républicains, c'était la fidélité royaliste qui luttait contre le pouvoir nouveau. Toutefois, cette cause de la légitimité et de ses partisans nobles avait pour chef un homme du peuple, Georges Cadoudal. On le voyait là, avec la pensée que cette tête si pieuse, si intrépide, allait tomber sur l'échafaud, que lui seul peut-être Cadoudal ne serait pas sauvé, car il ne ferait rien pour l'être. Il ne défendait que ses amis. Quant à ce qui le regardait particulièrement, il disait tout. Bonaparte ne fut pas aussi généreux qu'on le supposait. 11 personnes dévouées à Georges périrent avec lui. Moreau ne parla point. La séance terminée, le juge qui avait amené Madame Récamier vint la reprendre. Elle traversa le parquet du côté opposé à celui par lequel elle était entrée et longea le banc des accusés. Moreau descendit, suivi de ses deux gendarmes. Il n'était séparé d'elle que par une balustrade. Il lui dit quelques paroles que, dans son saisissement, elle n'entendit point. Elle voulut lui répondre, sa voix se brisa. Aujourd'hui que les temps sont changés et que le nom de Bonaparte semble seul les remplir, on n'imagine pas à combien peu encore paraissait tenir sa puissance. La nuit qui précéda la sentence et pendant laquelle le tribunal siégea, tout Paris fut sur pied. Des flots de peuple se portaient au palais de justice. Georges ne voulut point de grâce, il répondit à ceux qui voulaient la demander « Me promettez-vous une plus belle occasion de mourir ?» Moreau, condamné à la déportation, se mit en route pour Cadix, d'où il devait passer en Amérique. Madame Moreau alla le rejoindre. Madame Récamier était auprès d'elle au moment de son départ. Elle la vit embrasser son fils dans son berceau et la vit revenir sur ses pas pour l'embrasser encore. Elle la conduisit à sa voiture et reçut son dernier adieu. Le général Moreau écrivit de Cadix cette lettre à sa généreuse amie. Chiclana, près Cadix, le 12 octobre 1804. Madame, vous apprendrez sans doute avec quelque plaisir des nouvelles de deux fugitifs auxquels vous avez témoigné tant d'intérêt. Après avoir essuyé des fatigues de tout genre, sur terre et sur mer, nous espérions nous reposer à Cadix quand la fièvre jaune, qu'on peut en quelque sorte comparer aux maux que nous venions d'éprouver, est venue nous assiéger dans cette ville. Quoique les couches de mon épouse nous aient forcé d'y rester plus d'un mois pendant la maladie, nous avons été assez heureux pour nous préserver de la contagion. Un seul de nos gens en a été atteint. Enfin, nous sommes à Chiclana, très joli village à quelques lieues de Cadix, jouissant d'une bonne santé, et mon épouse en pleine convalescence après m'avoir donné une fille très bien portante. Persuadée que vous prendrez autant d'intérêt à cet événement qu'à tout ce qui nous est arrivé, elle me charge de vous en faire part et de la rappeler à votre amitié. Je ne vous parle pas du genre de vie que nous menons, il est excessivement ennuyeux et monotone, mais au moins nous respirons en liberté, quoique dans le pays de l'Inquisition. Je vous prie, madame, de recevoir l'assurance de mon respectueux attachement et de me croire pour toujours votre très humble et très obéissant serviteur, V. Moreau. Cette lettre est datée de Chiclana, lieu qui sembla promettre avec de la gloire un règne assuré à M. le duc d'Angoulême. Et pourtant, il n'a fait que paraître sur ce bord aussi fatalement que Moreau, qu'on a cru dévoué aux Bourbons. Moreau, au fond de l'âme, était dévoué à la liberté. Lorsqu'il eut le malheur de se joindre à la coalition, il s'agissait uniquement à ses yeux de combattre le despotisme de Bonaparte. Louis XVIII disait à M. de Montmorency, qui déplorait la mort de Moreau comme une grande perte pour la couronne, « Pas si grande, Moreau était républicain ». Ce général ne repassa en Europe que pour trouver le boulet sur lequel son nom avait été gravé par le doigt de Dieu. Moreau me rappelle un autre illustre capitaine, Masséna. Celui-ci allait à l'armée d'Italie. Il demanda à Madame Récamier un ruban blanc de sa parure. Un jour, elle reçut ce billet de la main de Masséna. Le charmant ruban donné par Madame Récamier a été porté par le général Masséna aux batailles et aux blocus de Gênes. Il n'a jamais quitté le général et lui a constamment favorisé la victoire. Les antiques mœurs percent à travers les mœurs nouvelles dont elles font la base. La galanterie du chevalier noble se retrouvait dans le soldat plébéien. Le souvenir des tournois et des croisades était caché dans ces faits d'armes par qui la France moderne a couronné ses vieilles victoires. Sicher, compagnon de Charlemagne, ne se parait point au combat des couleurs de sa dame. Il portait, dit le moine de Saint-Gall, 7, 8 et même 9 ennemis enfilés à sa lance comme des grenouillettes. Sicher précédait et Masséna suivait la chevalerie. Madame de Staël apprit à Berlin la maladie de son père. Elle se hâta de revenir, mais M. Necker était mort avant son arrivée en Suisse. En ce temps-là arriva la ruine de M. Récamier. Madame de Staël fut bientôt instruite de ce malheureux événement. Elle écrivit sur le champ à Madame Récamier, son amie. Genève, 17 novembre. Note, 17 novembre 1806. Fin de note. Ah, ma chère Juliette, quelle douleur j'ai éprouvée par l'affreuse nouvelle que je reçois. Que je maudis l'exil qui ne me permet pas d'être auprès de vous serrer contre mon cœur. Vous avez perdu tout ce qui tient à la facilité, à l'agrément de la vie. Mais s'il était possible d'être plus aimée, plus intéressante que vous ne l'étiez, c'est ce qui vous serait arrivé. Je vais écrire à M. Récamier que je plains et que je respecte. Mais dites-moi, serait-ce un rêve que de vous voir ici cet hiver ? Si vous vouliez, 3 mois passés ici, dans un cercle étroit où vous seriez passionnément soigné, mais à Paris aussi vous inspirez ce sentiment. Enfin, au moins à Lyon, ou jusqu'à mes 40 lieues, j'irai pour vous voir, pour vous embrasser, pour vous dire que je me suis senti pour vous plus de tendresse que pour aucune femme que j'ai jamais connue. Je ne sais rien vous dire comme consolation, si ce n'est que vous serez aimés et considérés plus que jamais, et que les admirables traits de votre générosité et de votre bienfaisance seront connus malgré vous par ce malheur comme ils ne l'auraient jamais été sans lui. Certainement, en comparant votre situation à ce qu'elle était, vous avez perdu. Mais s'il m'était possible d'envier ce que j'aime, je donnerais bien tout ce que je suis pour être vous. Beauté sans égale en Europe, réputation sans tache, caractère fier et généreux, quelle fortune de bonheur encore dans cette triste vie où l'on marche si dépouillé. Chère Juliette, que notre amitié se resserre, que ce ne soit plus simplement des services généreux qui sont tous venus de vous, mais une correspondance suivie, un besoin réciproque de se confier ses pensées, une vie ensemble. Chère Juliette, c'est vous qui me ferez revenir à Paris, car vous serez toujours une personne toute puissante, et nous nous verrons tous les jours. Et comme vous êtes plus jeune que moi, vous me fermerez les yeux, et mes enfants seront vos amis. Ma fille a pleuré ce matin de mes larmes et des vôtres. Chère Juliette, ce luxe qui vous entourait, c'est nous qui en avons joui. Votre fortune a été la nôtre, et je me sens ruinée parce que vous n'êtes plus riche. Croyez-moi, il reste du bonheur quand on s'est fait aimer ainsi. Benjamin veut vous écrire, il est bien ému. Mathieu de Montmorency m'écrit sur vous une lettre bien touchante. Cher ami, que votre cœur soit calme au milieu de tant de douleurs. Hélas, ni la mort ni l'indifférence de vos amis ne vous menacent, et voilà les blessures éternelles. Adieu, cher ange, adieu. J'embrasse avec respect votre visage charmant. Un intérêt nouveau se répandit sur Madame Récamier. Elle quitta la société sans se plaindre et sembla faite pour la solitude comme pour le monde. Ses amis lui restèrent, et cette fois, a dit M. Ballanche, la fortune se retira seule. Madame de Staël attira son ami à Coppet. Le prince Auguste de Prusse, fait prisonnier à la bataille d'Eylau, se rendant en Italie, passa par Genève. Il devint amoureux de Madame Récamier. La vie intime et particulière appartenant à chaque homme continuait son cours sous la vie générale, l'ensanglantement des batailles et la transformation des empires. Le riche, à son réveil, aperçoit ses lambris dorés, le pauvre ses solives enfumées. Pour les éclairer, il n'y a qu'un même rayon de soleil. Le prince Auguste, croyant que Madame Récamier pourrait consentir au divorce, lui proposa de l'épouser. Il reste un monument de cette passion dans le tableau de Corinne que le prince obtint de Gérard. Il en fit présent à Madame Récamier comme un immortel souvenir du sentiment qu'elle lui avait inspiré et de l'intime amitié qui unissait Corinne et Juliette. L'été se passa en fête. Le monde était bouleversé, mais il arrive que le retentissement des catastrophes publiques, en se mêlant aux joies de la jeunesse, en redouble le charme. On se livre d'autant plus vivement au plaisir qu'on se sent prêt de les perdre. Madame de Genlis a fait un roman sur cet attachement du prince Auguste. Je la trouvai un jour dans l'ardeur de la composition. Elle demeurait à l'arsenal, au milieu de livres poudreux, dans un appartement obscur. Elle n'attendait personne, elle était vêtue d'une robe noire, ses cheveux blancs offusquaient son visage, elle tenait une harpe entre ses genoux et sa tête était abattue sur sa poitrine. Appendue aux cordes de l'instrument, elle promenait ses deux mains pâles et amaigries sur l'autre côté du réseau sonore dont elle tirait des sons affaiblis, semblables aux voix lointaines et indéfinissables de la mort. Que chantait l'antique Sibylle ? Elle chantait Madame Récamier. Elle l'avait d'abord haïe, mais dans la suite elle avait été vaincue par la beauté et le malheur. Madame de Genlis venait d'écrire cette page sur Madame Récamier en lui donnant le nom d'Athénaïs. Le prince entra dans le salon, conduit par Madame de Staël. Tout à coup la porte s'entr'ouvre, Athénaïs s'avance. À l'élégance de sa taille, à l'éclat éblouissant de sa figure, le prince ne peut la méconnaître, mais il s'était fait d'elle une idée toute différente. Il s'était représenté cette femme si célèbre par sa beauté, fière de ses succès, avec un maintien assuré et cette espèce de confiance que ne donne que trop souvent ce genre de célébrité. Et il voyait une jeune personne timide s'avancer avec embarras et rougir en paraissant. Le plus doux sentiment se mêla à sa surprise. Après dîner, on ne sortit point à cause de la chaleur excessive. On descendit dans la galerie pour faire de la musique jusqu'à l'heure de la promenade. Après quelques accords brillants et des sons harmoniques d'une douceur enchanteresse, Athénaïs chanta en s'accompagnant sur la harpe. Le prince l'écouta avec ravissement, et lorsqu'elle eut fini, il la regarda avec un trouble inexprimable en s'écriant « Et des talents !» Madame de Staël, dans la force de la vie, aimait Madame Récamier. Madame de Genlis, dans sa décrépitude, retrouvait pour elle les accents de sa jeunesse. L'auteur de Mademoiselle de Clermont plaçait la scène de son roman à Coppet chez l'auteur de Corinne, rival qu'elle détestait. C'était une merveille. Une autre merveille est de me voir écrire ces détails. Je parcours des lettres qui me rappellent des temps où je vivais solitaire et inconnu. Il fut du bonheur sans moi au rivage de Coppet que je n'ai pas vu depuis sans quelque mouvement d'envie. Les choses qui me sont échappées sur la terre, qui m'ont fui, que je regrette, me tuerait si je ne touchais à ma tombe. Mais si près de l'oubli éternel, vérités et songes sont également vains, au bout de la vie, tout est jour perdu. Madame de Staël partit une seconde fois pour l'Allemagne. Ici recommence une série de lettres à Madame Récamier, peut-être encore plus charmante que les premières. Il n'y a rien dans les ouvrages imprimés de Madame de Staël qui approche de ce naturel, de cette éloquence, où l'imagination prête son expression au sentiment. La vertu de l'amitié de Madame Récamier devait être grande, puisqu'elle sut faire produire à une femme de génie ce qu'il y avait de caché et de non révélé encore dans son talent. On devine au surplus dans l'accent triste de Madame de Staël un déplaisir secret, dont la beauté devait être naturellement la confidente, elle qui ne pouvait jamais recevoir de pareilles blessures. Madame de Staël, étant rentrée en France, vint, au printemps de 1810, habitait le château de Chaumont sur les bords de la Loire, à 40 lieues de Paris, distance déterminée pour le rayon de son bannissement. Madame Récamier la rejoignit dans cette campagne. Madame de Staël surveillait alors l'impression de son ouvrage sur l'Allemagne. Lorsqu'il fut prêt de paraître, elle envoya à Bonaparte avec cette lettre. « Sire, je prends la liberté de présenter à votre majesté mon ouvrage sur l'Allemagne. Si elle daigne le lire, il me semble qu'elle y trouvera la preuve d'un esprit capable de quelques réflexions et que le temps a mûri. Sire, il y a 12 ans que je n'ai vu votre majesté et que je suis exilé. 12 ans de malheur modifient tous les caractères et le destin enseigne la résignation à ceux qui souffrent. Prête à m'embarquer, je supplie votre majesté de m'accorder une demi-heure d'entretien. Je crois avoir des choses à lui dire qui pourront l'intéresser. Et c'est à ce titre que je la supplie de m'accorder la faveur de lui parler avant mon départ. Je me permettrai seulement une chose dans cette lettre. C'est l'explication des motifs qui me forcent à quitter le continent. Si je n'obtiens pas de votre majesté la permission de vivre dans une campagne assez près de Paris pour que mes enfants y puissent demeurer. La disgrâce de votre majesté jette sur les personnes qui en sont l'objet une telle défaveur en Europe que je ne puis faire un pas sans en rencontrer les effets. Les uns craignent de se compromettre en me voyant, les autres se croient des Romains en triomphant de cette crainte. Les plus simples rapports de la société deviennent des services qu'une âme fière ne peut supporter. Parmi mes amis, il en est qui se sont associés à mon sort avec une admirable générosité. Mais j'ai vu les sentiments les plus intimes se briser contre la nécessité de vivre avec moi dans la solitude. Et j'ai passé ma vie depuis 8 ans entre la crainte de ne pas obtenir des sacrifices et la douleur d'en être l'objet. Il est peut-être ridicule d'entrer ainsi dans le détail de ces impressions avec le souverain monde. Mais ce qui vous a donné le monde, sire, c'est un souverain génie. Et en fait d'observation sur le cœur humain, votre majesté comprend depuis les plus vastes ressorts jusqu'aux plus délicats. Mes fils n'ont point de carrière. Ma fille a 13 ans. Dans peu d'années, il faudra l'établir. Il y aurait de l'égoïsme à la forcer de vivre dans les insipides séjours où je suis condamné. Il faudrait donc aussi me séparer d'elle. Cette vie n'est pas tolérable, et je n'y sais aucun remède sur le continent. Quelle ville puis-je choisir où la disgrâce de votre majesté ne mette pas un obstacle invincible à l'établissement de mes enfants comme à mon repos personnel ? Votre majesté ne sait peut-être pas elle-même la peur que les exilés font à la plupart des autorités de tous les pays. Et j'aurai dans ce genre des choses à lui raconter qui dépassent sûrement ce qu'elle aurait ordonné. On a dit à votre majesté que je regrettais Paris à cause du musée et de Talma. C'est une agréable plaisanterie sur l'exil, c'est-à-dire sur le malheur que Cicéron et Bolingbroke ont déclaré le plus insupportable de tous. Mais quand j'aimerais les chefs-d'œuvre des arts que la France doit aux conquêtes de votre majesté, quand j'aimerais ces belles tragédies, images de l'héroïsme, serait-ce à vous, sire, à m'en blâmer ? Le bonheur de chaque individu ne se compose-t-il pas de la nature de ses facultés ? Et si le ciel m'a donné du talent, n'ai-je pas l'imagination qui rend les jouissances des arts et de l'esprit nécessaires ? Tant de gens demandent à votre majesté des avantages réels de toute espèce. Pourquoi rougirais-je de lui demander l'amitié, la poésie, la musique, les tableaux, toute cette existence idéale dont je puis jouir sans m'écarter de la soumission que je dois au monarque de la France ? Cette lettre inconnue méritait d'être conservée. Madame de Staël n'était pas, ainsi qu'on l'a prétendu, une ennemie aveugle et implacable. Elle ne fut pas plus écoutée que moi lorsque je me vis obligée de m'adresser aussi à Bonaparte pour lui demander l'avis de mon cousin Armand. Alexandre et César auraient été touchés de cette lettre d'un ton si haut, écrite par une femme si renommée. Mais la confiance du mérite, qui se juge et s'égalise à la domination suprême, cette sorte de familiarité de l'intelligence qui se place au niveau du maître de l'Europe pour traiter avec lui de couronne à couronne, ne parurent à Bonaparte que l'arrogance d'un amour-propre déréglé. Il se croyait bravé par tout ce qui avait quelque grandeur indépendante. La bassesse lui semblait fidélité, la fierté révolte. Il ignorait que le vrai talent ne reconnaît de Napoléon que dans le génie, qu'il a ses entrées dans les palais comme dans les temples parce qu'il est immortel. Madame de Staël quitta Chaumont et retourna à Coupé. Madame Récamier s'empressa de nouveau de se rendre auprès d'elle. M. Mathieu de Montmorency lui resta également dévoué. L'un et l'autre en furent punis. Ils furent frappés de la peine même qu'ils étaient allés consoler. Les 40 lieues de distance de Paris leur furent infligées. Madame Récamier se retira à Chalon-sur-Marne, décidée dans son choix par le voisinage de Montmirail qu'habitaient messieurs de la Rochefoucauld d'Oudoville. 1000 détails de l'oppression de Bonaparte se sont perdus dans la tyrannie générale. Les persécutés redoutaient de voir leurs amis, crainte de les compromettre. Leurs amis n'osaient les visiter, crainte de leur attirer quelque accroissement de rigueur. Le malheureux proscrit, devenu un pestiféré, séquestré du genre humain, demeurait en quarantaine dans la haine du despote. Bien reçu tant qu'on ignorait votre indépendance d'opinion, sitôt qu'elle était connue, tout se retirait. Il ne restait autour de vous que des autorités épiant vos liaisons, vos sentiments, vos correspondances, vos démarches. Tels étaient ces temps de bonheur et de liberté. Les lettres de Madame de Staël révèlent les souffrances de cette époque où les talents étaient menacés à chaque instant d'être jetés dans un cachot, où l'on ne s'occupait que des moyens de s'échapper, où l'on aspirait à la fuite comme à la délivrance. Quand la liberté a disparu, il reste un pays, mais il n'y a plus de patrie. En écrivant à son amie qu'elle ne désirait pas la voir, dans l'appréhension du mal qu'elle lui pourrait apporter, Madame de Staël ne disait pas tout. Elle était mariée secrètement à M. de Rocca, d'où résultait une complication d'embarras dont la police impériale profitait. Madame Récamier, à qui Madame de Staël croyait devoir taire ses nouveaux soucis, s'étonnait à bon droit de l'obstination qu'elle mettait à lui interdire l'entrée de son château de Copé. Blessée de la résistance de Madame de Staël, pour laquelle elle s'était déjà sacrifiée, elle n'en persistait pas moins dans sa résolution de la rejoindre. Toutes les lettres qui auraient dû retenir Madame Récamier ne firent que la confirmer dans son dessein. Elle partit et reçut à Dijon ce billet fatal. « Je vous dis adieu, cher ange de ma vie, avec toute la tendresse de mon âme. Je vous recommande Auguste, qu'il vous voie et qu'il me revoie. Vous êtes une créature céleste. Si j'avais vécu près de vous, j'aurais été trop heureuse. Le sort m'entraîne. Adieu. » Note. Auguste Louis de Staël-Holstein, fils aîné de Madame de Staël, né à Paris le 31 août 1790, mort à Copé le 11 novembre 1827. Il s'occupa spécialement d'agronomie et d'amélioration sociale. Ses œuvres, recueillies par sa sœur, la duchesse de Breuil, ont été publiées en 1829, 3 volumes in octavo. Ce billet, dont Chateaubriand n'indique pas la date, fut écrit au moment où Madame de Staël allait quitter la Suisse pour se rendre en Allemagne. Elle partit de Copé le 23 mai 1812. 10 années d'exil, deuxième partie, chapitre 5. Fin de note. Madame de Staël ne devait plus retrouver Juliette que pour mourir. Le billet de Madame de Staël frappa d'un coup de foudre la voyageuse. Fuir subitement, s'en aller, avant d'avoir pressé dans ses bras celle qui accourait pour se jeter dans ses adversités, n'était-ce point, de la part de Madame de Staël, une résolution cruelle? Il paraissait à Madame Récamier que l'amitié aurait pu être moins entraînée par le sort. Madame de Staël alla chercher l'Angleterre en traversant l'Allemagne et la Suède. La puissance de Napoléon était une autre mer qui séparait Albion de l'Europe, comme l'océan la sépare du monde. Auguste, fils de Madame de Staël, avait perdu son frère, tué en duel d'un coup de sabre. Il se maria et eut un fils. Ce fils, âgé de quelques mois, la suivit dans la tombe. Avec Auguste de Staël, s'est éteinte la postérité masculine d'une femme illustre, car elle ne revit pas dans le nom honorable mais inconnu de Rocca. Madame Récamier, demeurée seule, pleine de regrets, chercha d'abord à Lyon, sa ville natale, un premier abri. Elle y rencontra Madame de Chevreuse, autre bannie. Madame de Chevreuse avait été forcée par l'empereur et ensuite par sa propre famille d'entrer dans la nouvelle société. Vous trouveriez à peine un nom historique qui ne consentit à perdre son honneur plutôt qu'une forêt. Une fois engagée aux Tuileries, Madame de Chevreuse avait cru pouvoir dominer dans une cour sortie des camps. Cette cour cherchait, il est vrai, à s'instruire des airs de jadis, dans l'espoir de couvrir sa récente origine. Mais l'allure plébéienne était encore trop rude pour recevoir des leçons de l'impertinence aristocratique. Dans une révolution qui dure et qui a fait son dernier pas, comme par exemple à Rome, le patriciat, un siècle après la chute de la République, put se résigner à n'être plus que le Sénat des empereurs. Le passé n'avait rien à reprocher aux empereurs du présent, puisque ce passé était fini. Une égale flétrissure marquait toutes les existences. Mais en France, les nobles qui se transformèrent en chambellans se hâtèrent trop. L'empire nouvellement né disparut avant eux, et ils se retrouvèrent en face de la vieille monarchie ressuscitée. Madame de Chevreuse, attaquée d'une maladie de poitrine, sollicita et n'obtint pas la faveur d'achever ses derniers jours à Paris. On n'expire pas quand et où l'on veut. Napoléon, qui faisait tant de décédés, n'en aurait pas fini avec eux s'il leur eût laissé le choix de leur tombeau. Madame Récamier ne parvenait à oublier ses propres chagrins qu'en s'occupant de ceux des autres. Par la connivence charitable d'une sœur de la Miséricorde, elle visitait secrètement à Lyon les prisonniers espagnols. Un d'entre eux, brave et beau, chrétien comme le Cid, s'en allait à Dieu. Assis sur la paille, il jouait de la guitare, son épée avait trompé sa main. Sitôt qu'il apercevait sa bienfaitrice, il lui chantait des romances de son pays, n'ayant pas d'autre moyen de la remercier. Sa voix affaiblie et les sons confus de l'instrument se perdaient dans le silence de la prison. Les compagnons du soldat, à demi enveloppés de leurs manteaux déchirés, leurs cheveux noirs pendant sur leurs visages hâves et bronzés, levaient des yeux fiers du sang castillan, humide de reconnaissance, sur l'exilé qui leur rappelait une épouse, une sœur, une amante, et qui portait le joug de la même tyrannie. L'Espagnol mourut, il put dire, comme Zarwiska, le jeune et valeureux poète polonais, « Une main inconnue fermera ma paupière, le tintement d'une cloche étrangère annoncera mon trépas, et des voix qui ne seront pas celles de ma patrie prieront pour moi. » Mathieu de Montmorency vint à Lyon visiter Madame Récamier. Elle connut alors M. Camille Jordan et M. Ballanche, dignes de grossir le cortège des amitiés attachées à sa noble vie. Madame Récamier était trop fière pour demander son rappel. Fouché l'avait longtemps et inutilement pressé d'orner la cour de l'empereur. On peut voir les détails de ses négociations de palais dans les écrits du temps. Madame Récamier se retira en Italie. M. de Montmorency l'accompagna jusqu'à Chambéry. Elle traversa le reste des Alpes, ayant pour compagne de voyage qu'une petite nièce, âgée de 7 ans, aujourd'hui Madame Lenormand. Rome était alors une ville de France, capitale du département du Tibre. Le pape gémissait prisonnier à Fontainebleau, dans le palais de François Ier. Fouché, en mission en Italie, commandait dans la cité des Césars, de même que le chef des eunuques noirs dans Athènes. Il n'y fit que passer, on installa M. de Norvin en qualité de préfet de police. Le mouvement était sur un autre point de l'Europe. Conquise, sans avoir vu son second Alaric, la ville éternelle se taisait, plongée dans ses ruines. Les artistes demeuraient seuls sur cet amas de siècles. Canova reçut Madame Récamier comme une statue grecque que la France rendait au musée du Vatican. Pontife des arts, il l'inaugura aux honneurs du Capitole dans Rome abandonnée. Canova avait une maison à Albano. Il l'offrit à Madame Récamier, elle y passa l'été. La fenêtre à balcon de sa chambre était une de ces grandes croisées de peintre qui encadrent le paysage. Elle s'ouvrait sur les ruines de la Villa de Pompée. Au loin, par-dessus des oliviers, on voyait le soleil se coucher dans la mer. Canova revenait à 7 heures. Ému de ce beau spectacle, il se plaisait à chanter, avec un accent vénitien et une voix agréable, la barcarolle « Au pescator d'Alonda ». Madame Récamier l'accompagnait sur le piano. L'auteur de Psyché et de la Madeleine se délectait à cette harmonie et cherchait dans les traits de Juliette le type de la Béatrix qu'il rêvait de faire un jour. Rome avait vu jadis Raphaël et Michel-Ange couronner leurs modèles dans de poétiques orgies trop librement racontées par Cellini. Combien leur était supérieure cette petite scène décente et pure entre une femme exilée et ce Canova si simple et si doux. Plus solitaire que jamais, Rome en ce moment portait le deuil de veuve. Elle ne voyait plus passer en la bénissant ces paisibles souverains qui rajeunissaient ses vieux jours de toutes les merveilles des arts. Le bruit du monde s'était encore une fois éloigné d'elle. Saint-Pierre était désert comme le Colisée. J'ai lu les lettres éloquentes qu'écrivait à son amie la femme la plus illustre de nos jours passés. lisait les mêmes sentiments de tendresse exprimés avec la plus charmante naïveté dans la langue de Pétrarque par le premier sculpteur des temps modernes. Je ne commettrai pas le sacrilège d'essayer de les traduire. Domenica Mattina. Dio eterno, siamo vivi o siamo morti, lo voglio esser vivo, almeno per scriveri. Si lo vuole, il mio cuore, anzi mi comanda assolutamente di farlo. Oh, se conoscete bene a fondo questo povero cuor mio, quanto mai ve ne persuadereste. Ma per disgrazia mia, pare ch'egli sia alquanto all'oscuro per voi. Pazienza. Ditemi almeno come state di salute, si di più no volete dire. Benché mi abbiate promesso di scrivere a di scrivermi dolce, io davvero ce avrei voluto vedervi personalmente in questi giorni, ma non vi poteva essere alcuna via di poterlo fare. Anzi su di questo vi dirò a voce delle cozze curiose. Conviene dunque che mi contenti a forza di vedervi in spirito. In questo modo sempre mi siete presente, sempre vi vego, sempre vi parlo, di dico tante cose, ma tutte al vento, tutte. Pazienza anche di questo. Gran fatto che la cosa abbia d'andare sempre in questo modo. Voglio intanto però che siate certa, certissima che l'anima mia vi ama molto più assai di quello che mai potiate credere ed immaginare. Madame Récamier avait secouru les prisonniers espagnols à Lyon. Une autre victime de ce pouvoir qui la frappait la mit à même d'exercer à Albano son humeur compatissante. Un pêcheur accusé d'intelligence avec les sujets du pape avait été jugé et condamné à mort. Les habitants d'Albano supplièrent l'étrangère réfugiée chez eux d'intercéder pour ce malheureux. On la conduisit à la geôle, elle y vit le prisonnier. Frappée du désespoir de cet homme, elle fondit en larmes. Le malheureux la supplia de venir à son secours, d'intercéder pour lui, de le sauver. Prière d'autant plus déchirante qu'il y avait impossibilité de l'arracher au supplice. Il faisait déjà nuit, il devait être fusillé au lever du jour. Cependant, Madame Récamier, bien que persuadée de l'inutilité de ses démarches, n'hésita pas. On lui amène une voiture, elle y monte sans l'espérance qu'elle laissait aux condamnés. Elle traverse la campagne infestée de brigands, parvient à Rome et ne trouve point le directeur de la police. Elle l'attendit 2 heures au palais Fiano. Elle comptait les minutes d'une vie dont la dernière approchait. Quand M. de Norvin arriva, elle lui expliqua l'objet de son voyage. Il lui répondit que l'arrêt était prononcé et qu'il n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour le faire suspendre. Madame Récamier repartit le cœur navré. Le prisonnier avait cessé de vivre lorsqu'elle approcha d'Albano. Les habitants attendaient la Française sur le chemin. Aussitôt qu'ils la reconnurent, ils coururent à elle. Le prêtre, qui avait assisté le patient, lui en apportait les derniers vœux. Il remerciait la dama qu'il n'avait cessé de chercher des yeux en allant au lieu de l'exécution. Il lui recommandait de prier pour lui, car un chrétien n'a pas tout fini et n'est pas hors de crainte quand il n'est plus. Madame Récamier fut conduite par l'ecclésiastique à l'église, où la suivit la foule de belles paysannes d'Albano. Le pêcheur avait été fusillé à l'heure où l'aurore se levait sur la barque, maintenant sans guide, qu'il avait coutume de conduire sur les mers et aux rivages qu'il avait accoutumé de parcourir. Pour se dégoûter des conquérants, il faudrait savoir tous les maux qu'ils causent. Il faudrait être témoin de l'indifférence avec laquelle on leur sacrifie les plus inoffensives créatures dans un coin du globe où ils n'ont jamais mis le pied. Qu'importaient au succès de Bonaparte les jours d'un pauvre faiseur de filets des États romains? Sans doute, il n'a jamais su que ce chétif pêcheur avait existé. Il a ignoré dans le fracas de sa lutte avec les rois jusqu'au nom de sa victime plébéienne. Le monde n'aperçoit en Napoléon que des victoires. Les larmes dont les colonnes triomphales sont cimentées ne tombent point de ses yeux. Et moi, je pense que de ces souffrances méprisées, de ces calamités des humbles et des petits, se forment dans les conseils de la Providence les causes secrètes qui précipitent du fait le dominateur. Quand les injures particulières se sont accumulées de manière à l'emporter sur le poids de la fortune, le bassin descend. Il y a du sang muet et du sang qui crie. Le sang des champs de bataille est bu en silence par la terre. Le sang pacifique répandu rejaillit en gémissant vers le ciel. Dieu le reçoit et le venge. Bonaparte tua le pêcheur d'Albano. Quelques mois après, il était banni chez les pêcheurs de l'île d'Elbe, et il est mort parmi ceux de Sainte-Hélène. Mon souvenir vague, à peine ébauché dans les pensées de Madame Récamier, lui apparaissait-il au milieu des steppes du Tibre et de l'Agneau. J'avais déjà passé à travers ces solitudes mélancoliques. J'y avais laissé une tombe honorée des larmes des amis de Juliette. Lorsque la fille de Monsieur de Montmorin, Madame de Beaumont, mourut en 1803, Madame de Staël et Monsieur Necker m'écrivaient des lettres de regret. On a vu ces lettres. Ainsi, je recevais à Rome, avant presque d'avoir connu Madame Récamier, des lettres datées de Copé. C'est le premier indice d'une affinité de destinée. Madame Récamier m'a dit aussi que ma lettre de 1804 à Monsieur de Fontane lui servait de guide en 1814 et qu'elle relisait assez souvent ce passage. « Quiconque n'a plus de lien dans la vie doit venir demeurer à Rome. Là, il trouvera pour société une terre qui nourrira ses réflexions et occupera son cœur, et des promenades qui lui diront toujours quelque chose. La pierre qu'il foulera aux pieds lui parlera. La poussière que le vent élèvera sous ses pas renfermera quelque grandeur humaine. S'il est malheureux, s'il a mêlé les cendres de ceux qu'il aima à tant de cendres illustres, avec quel charme ne passera-t-il pas du sépulcre des Scipions au dernier asile d'un ami vertueux ? S'il est chrétien, ah, comment pourrait-il alors s'arracher de cette terre qui est devenue sa patrie, de cette terre qui a vu naître un second empire, plus saint dans son berceau, plus grand dans sa puissance que celui qui l'a précédé ? De cette terre où les amis que nous avons perdus, dormant avec les martyrs aux catacombes, sous l'œil du Père des fidèles, paraissent devoir se réveiller les premiers dans leur poussière et semblent plus voisins des cieux. Mais, en 1814, je n'étais pour Madame Récamier qu'un cicérone vulgaire appartenant à tous les voyageurs. Plus heureux en 1823, j'avais cessé de lui être étranger et nous pouvions causer ensemble des ruines romaines. Fin de la section 34.